c'est Cassel. Roger qui pèle l'eau. Mais il m'a pas la mère et la bimba. Et il m'a pas la mère et la bimba. Et il m'a pas la mère.